Ma vie sur la terre, comme un bateau dans la mer. Mon Jésus est le capitaine, le Saint-Esprit mon gouvernail. S'il tourne à gauche, je vais à gauche. S'il tourne à droite, moi je vais à droite. Peu importe ce que les gens diront, je ferai sa volonté. S'il me dit au nord, je vais au nord. S'il me dit au sud, je descends au sud. Peu importe ce que j'aurais voulu, je ferai sa volonté. Bateau dans la mer, mon Jésus est le capitaine, le Saint-Esprit mon gouverneur. Les orages et les vagues ne manqueront pas sur mon chemin, mais tant que je suis là, il calmera la tempête. Mais inquiétez ne vaut pas la peine, car Jésus est mon capitaine, même si le monde n'a que la haine. Jésus est le même. Hey, Yahweh, come on, Yahweh. Hey, Yahweh, come on, we don't got Yahweh. Hey, Yahweh, come on, Yahweh. Hey, Yahweh, come on, we don't got Yahweh. Ma vie sur la terre, comme un bateau dans la mer. Jésus est le capitaine, le Saint-Esprit mon gouverneur. Lokola masuwa na kati ya mayo, Yesu yo momemi, oli mosantu nde mosungi. Simbi na nyakuru.